Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Aurélie. Elle nous apporte son témoignage du syndrome d'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous organisons ces rencontres. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Aurélie, merci de nous recevoir pour ce témoignage aujourd'hui. Alors en premier, nous allons te laisser te présenter. Alors moi j'ai 45 ans, j'habite la petite ville de Remiremont et je suis actuellement écrivaine et je compte bien le rester d'ailleurs. J'aimerais bien publier mes écrits, j'écris de la poésie. Voilà, bah c'est une très belle présentation. Alors, la première question dans les témoignages qu'on pose toujours, c'est comment s'est passé le premier jour où vraiment vous avez pris acte de vraiment de cet épuisement profond appelé burn-out, en fait. Le premier jour où vous en avez été consciente, en fait, où vous avez réalisé. Alors, c'était... Un matin, je me suis réveillée un matin complètement cassée, j'avais mal partout. Et là, j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas parce que j'arrivais même plus à réfléchir, à me concentrer. Et là, je me suis dit, je suis en train de péter les plombs, quoi. Là, j'ai vraiment pris conscience qu'il m'arrivait ce que je voyais chez les autres. Et je me disais, moi, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Mais là, j'en ai vraiment pris conscience, quoi. Et c'était en 2021. D'accord. Et c'est ce que certains expliquent, c'est qu'un matin, ils n'ont pas pu sortir du lit, en quelque sorte. Moi, c'est ça. J'ai posé les pieds par terre en me disant, j'ai plus de force à rien, en fait. J'abandonne, je lâche tout, quoi. C'était vraiment ça. Donc, c'est intéressant, effectivement. Maintenant, la question suivante qui suit cette question, c'est comment a réagi votre entourage privé? Alors, c'était compliqué, ça, parce que ça a plutôt d'ailleurs été pris encore aujourd'hui comme une simple dépression, un moment difficile dans la vie, voilà. Mais ça ne s'est absolument pas vu du tout. Enfin, moi, j'avais beau dire « je suis fatiguée » ou « ça va pas », c'était absolument pas entendu. Et même quand j'étais complètement cassée, où une personne en particulier m'a dit « je vais t'aider à trouver une clinique, on va faire hein, », qui était une professionnelle de santé, c'était une psychologue du Cédif d'Épinal. Même encore là, mon entourage avait du mal de se dire que c'était ça et que j'en pouvais vraiment plus. Et non, c'était, pour eux, c'était limite impossible, quoi. Et comment vous l'avez vécu, ça ? Je ne l'ai pas très bien vécu parce que finalement, je me suis dit le peu de fois où j'ai demandé de l'aide, ce n'était pas forcément entendu comme je l'aurais souhaité, quoi. Après, voilà, ils voyaient bien que je n'étais quand même pas à 100%, mais pour eux, ce n'était pas aussi grave que ça, quoi. Et est-ce qu'il y avait un entourage professionnel à l'époque ? Non, parce que je m'étais vraiment retirée pour écrire. Donc... j'étais chez moi, je travaillais justement, c'était aussi facile parce que c'était un isolement pour travailler, mais aussi j'étais en train de m'isoler, mais vraiment quelque chose de bien parce que j'avais pas conscience aussi. Et plus je m'isolais, plus j'écrivais, plus je restais seule, moins j'avais envie de sortir et de reprendre contact avec les autres. J'avais aucune envie d'aller chercher contact à l'extérieur, quoi. Et puis la société, tout me paniquait, donc j'étais mieux toute seule que. Finalement qu'à l'extérieur. Et donc, dans ce déroulement du premier jour où vous avez demandé de l'aide à cette psychologue, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien là, mon corps a fait un coup de nerf. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. C'est pas encore... voilà, il n'y a pas vraiment de nom défini. On dit un coup de nerf parce que c'est un peu comme un court-circuitage où on a l'impression de tomber dans les pommes. En fait, c'est le corps qui lâche. On ressent comme une sorte de coup d'électricité dans les muscles et les nerfs. Et puis on tombe. Et puis quand on reprend conscience et qu'on veut se relever, on se rend compte que bah, les muscles sont très douloureux, on n'a plus de force, on a les nerfs qui sont très très réactifs, on a des douleurs partout, tout le corps est endolori. On a du mal aussi à reprendre la parole pendant quelques minutes. C'est comme si le cerveau s'était mis aussi en off, quoi. Tout le corps se coupe en fait. Et puis ce fameux coup de nerf-là, m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je voie quelqu'un parce que c'était maintenant. Et avant l'entrée en clinique, j'en ai refait deux autres, après qui ont suivi, qui étaient un peu moins forts. Et là, j'ai pris conscience que c'était vraiment dangereux, qu'on pouvait en mourir aussi, hein, mourir de fatigue, de désespoir, de... Ah oui, de plus d'énergie, quoi. De plus d'énergie du tout. Oui, parce que c'est exactement comme... effectivement, c'est... Enfin, je comprends très bien ce que vous avez vécu. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai également vécu. Cette espèce de... On se trouve mal, on tombe et on revient. C'est comme si on avait remis à zéro... Bon, moi, il y a plus longtemps, il y a 19 ans, mais ça, je l'ai vécu. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très impressionnant, d'autant que... Je dirais, il n'y a aucun nom à y mettre dessus. Et que les médecins ne trouvent rien. Moi, on m'a fait des examens pour voir si j'avais eu un AVC. Ça ressemblait à ça, mais ce n'était pas franchement un AVC. Par contre, j'avais tous les troubles qu'on peut avoir après. C'est-à-dire, perte de mémoire, j'y comprenais plus rien. Enfin bref, on passera ensuite en revue les symptômes. En attendant, on va faire une petite pause musicale et on reprendra l'entretien juste après. Thank you. Et donc là, suite à ça, donc, vous êtes entrée en clinique. Voilà, je suis rentrée en clinique. Et même en clinique, c'est quand même dingue. Le terme, que ce soit burn-out ou autre, n'est pas sorti. C'est pas avec, avec la psychologue sur place, enfin la psychiatre que j'ai vue là-bas. C'est entre patients. On en a parlé entre nous et on m'a dit, mais ouais, mais écoute, ce que tu as fait, c'est un burn-out, quoi. Je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je travaille chez moi, je suis écrivain, j'ai pas de pression autre, enfin, de patron sur le dos. Et c'est là qu'en discutant avec les autres, je me suis dit, mais en fait, c'est pas forcément... Moi, je mettais plus ça sur les personnes qui avaient un patron, un travail... telle heure à telle heure, des surcharges, de la pression, voire aussi des collègues, etc. Et en fait, en parlant entre nous, il y avait un peu toutes les classes, tous les âges, et puis tous les métiers différents, même des gens qui travaillaient pour eux. C'est quand même dingue que ça touche autant de personnes. Oui, et puis c'est une pression qu'on peut s'induire indirectement, ça, que la société nous met... En côté transparent, parce que ça ne se voit pas, mais la société nous met cette pression, qui es-tu, que fais-tu, qu'est-ce que tu rapportes, combien tu coûtes, combien tu rapportes, enfin, tout ce côté rapport à la production, en quelque sorte, et cette pression qui, effectivement, suivant les personnes, peut être très mal vécue, et puis sur le long terme, peut déboucher sur, effectivement, un processus de syndrome d'épuisement qui vient au burn-out, tout à fait. Et donc, ça a duré un certain temps, et après... Alors, j'ai fait à peu près un peu moins de 2 mois de clinique. Et quand je suis sortie de clinique, là, on m'a dit quand même, bon, médicalement, il faudrait peut-être voir s'il y a eu catastrophe ou pas. Et là, j'ai passé une IRM. C'est pareil, on a pensé aussi éventuellement que j'aurais pu faire un AVC ou quelque chose. Bon, j'ai quand même une légère inflammation... de la matière blanche, cette inflammation qui peut être la cause d'un développement d'une sclérose en plaques. Mais bon, c'est très... Voilà, on peut dire que j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Mais j'ai quand même... je souffre encore beaucoup quand même des muscles et des nerfs. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est long à se remettre. Donc, niveau santé, depuis que je suis sortie, j'ai quand même un petit traitement aussi que je prends antidépresseur pour me remettre en mouvement parce que je m'étais vraiment coupée de tout. Donc, et puis, j'avais la peur de conduire. J'avais attrapé une sorte d'agoraphobie, on appelle ça. J'avais une phobie administrative, faire des papiers administratifs, toutes ces choses. C'est me mettre en panique, en fait, en permanence. Et aujourd'hui, ça, voilà, je commence à me restructurer, on va dire, mais ça prend du temps. J'ai encore, du mal à faire certaines choses sans m'angoisser, on va dire. Mais je prends beaucoup plus de temps pour moi et voilà, et je fais très attention à ne pas déborder dans mon emploi du temps. Prendre du temps pour moi, surtout, ça c'est le plus important. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous écouterons Aurélie après nous raconter la suite de son témoignage. Thank you. Voilà, nous reprenons le témoignage avec Aurélie et nous allons passer en revue les troubles que peuvent apporter le syndrome d'épuisement ou appelé plus communément burn-out. On va commencer par les troubles psychiques. Alors, on parle, nous, d'anxiété intense, d'agitation anxieuse, de débit de parole submergent. Oui, alors ça, j'ai eu. Ça, c'est sûr que c'était... dès que j'étais avec ma famille, c'était ça. Je parlais. Et plus j'angoissais, plus il fallait que je parle. C'était des angoisses énormes. Même en parlant, en fait, même en étant en compagnie de quelqu'un. Et puis, j'arrêtais pas de parler. Il fallait constamment que je bouche les blancs, quoi. Ça, c'est quelque chose qui étonnait aussi des fois. Oui, donc l'anxiété qui était avec ce qu'on appelle la logorrhée, quand on a cette nécessité de parole. Bon, il y a aussi le point irritabilité. Alors ça, je l'ai eu en tout dernier, vraiment en tout dernier. Je supportais plus personne, en fait. Je supportais de moins en moins, en fait, qu'on me parle, tout simplement. Donc j'étais tout le temps... je reprenais, je m'énervais, je me mettais d'un seul coup à hurler. Enfin voilà, j'étais vraiment insupportable de ce côté-là. Voilà, on parle aussi de la chute de l'estime de soi. Alors ça, je pense que ça faisait déjà longtemps avant que j'avais un problème avec mon estime de moi déjà. Mmh. Ça remonte à longtemps. Donc ça ne faisait que l'accent. Donc forcément, ça n'arrangeait pas les choses. Et on parle aussi de réaction dépressive, voilà, état de tristesse, pas franchement un état dépressif à 100%, mais un espèce de réaction. On est, en gros, on n'est pas joyeux de se voir en bas, quoi, en gros. Voilà, bah oui, ça aussi, ce que j'appelais moi des moments de mélancolie assez profonde, quoi, voilà. Donc ça, j'ai eu tous ces symptômes-là, je les ai eus, tous ces troubles-là. Et puis le désespoir, vraiment, le côté désespéré, parce qu'il y a des personnes qui ont le désespoir vraiment à un point où ça leur est même difficile de vivre. Oui, avant de partir en clinique, justement, j'avais peur de faire une connerie, on va dire, parce que je pensais de plus en plus que ça y est, j'avais vécu tout, que c'était fini, de toute façon, il n'y avait plus rien qui pouvait me remonter, me relever. Je prenais plus de plaisir à rien du tout, c'est le cas de le dire. Et puis j'étais tellement aussi persuadée intérieurement que je ne pouvais plus servir à rien que l'idée de mettre fin à mes jours m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Parce que effectivement, ce côté-là peut paraître choquant, mais c'est clair que il arrive un moment où cet état dépressif peut aller plus loin. Et effectivement, un des symptômes principaux du burn-out ou du syndrome d'épuisement, c'est se sentir piégé, inutile. Ça, c'est ça. Ouais. Thank you. Alors maintenant, on va parler des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, ça fait partie des troubles de la mémoire, par exemple. Oui, et ça, j'en ai encore. Ça, par contre, j'ai tout ce qui est mémoire immédiate, c'est terrible. Hein. Et puis, j'ai du mal à me concentrer. Tout ce qui est... Oui, justement, on allait y venir. La mémoire, ouais, voilà. Troubles de l'attention, troubles de la concentration. Ouais, c'est ça. Du mal à me concentrer, ça va dépendre des moments. Et puis, à retenir les choses. Bon, voilà, je note beaucoup. Je fais des petites notes un peu partout pour pas oublier, parce que j'ai encore du mal de me rappeler de tout. Mmh. Ouais. Oui, je comprends très bien. Parce qu'il y a 18-19 ans, moi, que ça m'est arrivé, je faisais des notes partout, parce que c'était une catastrophe. J'étais vraiment un poisson rouge. Après 9 secondes, je tournais dans le bocal et puis je ne me souvenais plus. Et je suis souriante de me rendre compte depuis quelques années que je ne peux plus faire de notes. J'ai mis des années à travailler la concentration, parce qu'il faut la travailler, c'est un muscle, donc on doit la remuscler. C'est comme si elle s'était détendue complètement. Donc on doit la remuscler par des choses quelquefois manuelles, que ce soit la peinture, le dessin, les crayonnages, les trucs, les machins, les bidules, des petites choses. Moi, je travaille beaucoup la broderie, par exemple, ça m'oblige à me concentrer. Des choses qui nous font retravailler le muscle de la concentration. Ouais. Oui. Parce que ça, c'est effectivement... Alors bon, dans les troubles de fonction exécutive, ben, c'est un peu ce que vous nous avez parlé. Tâches administratives, tout ça, c'était... Alors ça, c'était catastrophique. Hein. Ah non, j'en avais... Ça devenait hyper phobique. Hein. Dès que je savais qu'il arrivait les moments où il fallait faire les papiers et tout, c'était cauchemardesque. Hein. Et puis, ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire des nausées, des trucs comme ça. Ah oui, ah bah là, c'est à se retourner l'estomac. J'étais vraiment pas bien, mais même des fois, avoir des... presque déchorer, presque à tomber dans les pommes, tellement l'angoisse, c'est puissant, quoi. Et puis, on peut être mal comme ça des journées entières, mais voire des semaines entières, quoi. C'est quelque chose qui va arriver la semaine d'après. On se rend malade pendant plusieurs jours parce qu'on sait que... Bah, on sait qu'on y... Enfin, on se dit, je vais pas y arriver, quoi. C'est pas possible. Ben disons, si on fait un résumé, une métaphore assez simple, c'est comme si on devait faire 1000 km avec 2 litres d'essence. C'est à peu près ça, c'est tout à fait ça. Donc, c'est assez compréhensible qu'on se dit, ben dis donc, là, on va faire comment, quoi, parce que faut économiser, hein, faut y aller au ralenti, limite on y va à pied, ça ira plus sûr, quoi, voilà. Tranquillement. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ça, parce que quand on n'a plus d'énergie, en fait, le syndrome d'épuisement, c'est ça, on ne recharge plus les batteries. Ben non, on est tout le temps à plat de batterie. Ouais, ouais. Et ça, c'est un véritable problème. Après, il y a ce qu'on appelle le changement de comportement. Alors, le changement de comportement, c'est un peu ce qu'on a discuté avant, mais bon, là, vous pourriez peut-être nous donner peut-être un peu des détails là-dessus. Le repli sur soi. Oui, moi, j'étais quelqu'un qui adorait faire la fête quand il y avait... un repas de famille ou voilà des retrouvailles entre amis, j'étais pas la dernière à faire la fête. Et puis j'ai commencé à me couper de tout ça, à plus me sentir à ma place, en fait. J'avais plus envie de participer parce que pour moi j'étais à ma place nulle part, en fait. Et on a trouvé bizarre que je sorte de moins en moins, donc c'est comme ça que j'ai coupé les cafés, boire un petit café avec ses amis, tout ça, j'ai coupé les ponts. Je trouvais toujours des prétextes, des excuses pour pas y aller, et puis au final, j'ai fini par plus donner de nouvelles, et puis m'enfermer dans mes écrits. Voilà. Oui, et puis on parle d'attitude impersonnelle, détachée, négative, voire cynique, c'est-à-dire devenir vraiment un peu, comment on dit, morose. Oui, moi j'étais surtout très négative, je crois que c'est le côté négation. À chaque fois que je parlais, de toute façon, c'était négation, tout était négatif. C'était impossible de me remonter le moral, on va dire. Les gens qui essayaient, à un moment donné, les pauvres avaient abandonné, ils n'avaient plus trop envie de me fréquenter non plus, parce que tout était négatif. Ça, c'est Julien tout. On parle de comportement agressif, est-ce que vous avez connu ça? En tout dernier, oui, avant, pareil, peut-être les 3 derniers mois avant de partir en clinique, je devenais très agressive, avec mes proches surtout. C'est ça. On parle d'être comme on n'aurait jamais cru penser pouvoir être. Ah oui, c'est... On est même infect, hein. Oui, je sais que je devenais vraiment infect. Voilà, puis avoir des comportements qu'on n'aurait jamais imaginé avoir, quoi. C'est pas nous. Quelque part. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a les comportements addictifs, médicaments, alcool, autres, et machin. Ben, quelquefois, avant de la chute, on a des moments où on se remonte le moral avec des trucs comme ça. Oui, moi, j'ai eu une grosse période alcool. C'était tous les soirs à partir de 18h, premier verre d'alcool. Et si j'avais pas ça, voilà, je devenais folle, quoi. Il me fallait, à partir de 18h, jusqu'à ce que j'aille jusqu'au coucher, voilà, je buvais de l'alcool. Donc effectivement, quand on est très fatigué, c'est souvent des choses qui arrivent parce que ben on se met là-dedans parce qu'on a l'impression que ça nous remonte le moral, en gros. Voilà. Et puis que ça nous remonte le... Après, il y a les changements dans la motivation, c'est-à-dire de la baisse de motivation dans tout ce qu'on fait, en fait. Oui, bah surtout, on se rend compte que ce qu'on adorait faire, on ne le fait plus parce qu'on n'y trouve plus d'intérêt. La seule chose que j'ai faite jusqu'au bout, parce que c'est vraiment ma passion, c'est l'écriture. Mais même là, voilà, j'ai repris beaucoup de choses que j'avais écrites quand j'étais pas bien, parce que même là, le travail, j'étais tellement persuadée que ça ne donnerait rien de bon. Que ça donnait rien de bon. Mais voilà, il y avait vraiment que l'écriture. Tout le reste, en dernier, de toute façon, je faisais quasiment plus rien. Même sortir, marcher, prendre l'air, c'était plus possible. Donc je restais des trois quarts du temps allongée, quoi. Voilà, j'attendais que ça se passe et j'attendais de pouvoir entrer en clinique. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Bon, bah, des doutes sur ses propres compétences. Bah ça oui. Énormément. Ça va avec la confiance en soi, donc... Plus on perd la confiance en soi, plus on est persuadé qu'on sert à rien, qu'on sait rien faire. Ça, quand on n'a pas d'énergie, comme je dis, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, quoi. Puis on se dévalorise très vite. Lentement, tu te glisses suivant le chant des... Alors maintenant, on va regarder les troubles physiques, parce que dans cette étude qu'a fait le docteur Koefig, on parle de manifestations somatiques, des plaintes ou des douleurs. Alors, ça peut être des douleurs abdominales, des douleurs musculaires ou aux articulations, en particulier des douleurs dorsales, des ulcères, des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires. C'est des troubles, en fait, c'est des choses, on a des douleurs, on a des choses qui se passent, mais quand on va chez le médecin, il ne trouve pas ce qu'on a, en fait. Oui. Moi, c'est tout ce qui était douleurs musculaires et tendineux. J'avais constamment le dos, mais le dos qui me brûlait, en fait. Le dos me brûlait en permanence et les fameuses inflammations des nerfs du dos que j'avais en bas du dos. Alors ça, c'était récurrent et ça j'ai eu ça longtemps. J'ai eu ça pendant au moins 2-3 ans, j'ai traîné ça. Encore aujourd'hui, c'est hyper violent. Je pense même que j'ai commencé à en développer avant encore. Ça fait pas moins d'une dizaine d'années que je vis avec des douleurs comme ça, partout. Et puis il y a ce qu'on appelle la réduction des défenses immunitaires. Oui, alors ça c'était plus en dernier aussi, où vraiment, bah, de toute façon, tout ce qui passe après, moi j'avais tendance à rattraper plein de rhumes. Et puis j'avais des problèmes, on va dire intestinaux, j'en ai eu pas mal. Et surtout, en dernier, j'attrapais des maux de tête, des sifflements, j'ai eu même eu des acouphènes. Mmh. Et ça c'est... J'ai encore de temps en temps une pression dans la tête avec des acouphènes. Voilà, ça c'était quelque chose que je traînais quasiment tous les jours. Oui, et puis par rapport au sommeil. Alors les nuits étaient entrecoupées. Maintenant je dors beaucoup mieux, mais j'avais des nuits où j'avais du mal à m'endormir, énormément de mal à m'endormir. Et au milieu, je commençais seulement à dormir, ça faisait une ou deux heures, je me réveillais et après c'était impossible de me rendormir. J'étais obligée de rattendre à nouveau. Je recogitais et j'avais des nuits qui coupaient comme ça de 2-3 fois où j'étais obligée de me relever parce que j'arrivais pas à me rendormir. Et les troubles alimentaires? Alors moi j'ai fait une sorte d'anorexie. Je mangeais mais très peu, enfin on va dire je grignotais un peu toute la journée, mais j'avais plus d'appétit à passer à table, à faire des repas. Je cuisinais plus, je faisais plus de repas normaux. Voilà, donc j'ai tendance à tomber dans l'anorexie. Oui, on parle aussi, ben voilà, c'est par rapport au stress, c'est effectivement ce qu'on appelle un taux élevé de cortisol, qui, ce taux élevé de cortisol, fait en quelque sorte le hamster dans la roue. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a dans la journée, et puis ben, on n'arrive pas à le calmer la nuit, il est parti sur sa descente, on arrive à peine à le calmer en fin de nuit, en quelque sorte. Et puis à peine on se relève et de nouveau ça returbine. Et puis comme ça part tellement, c'est comme, en quelque sorte, c'est comme si notre cerveau, il était en haut d'une pente de 1500 mètres et puis que toute la journée et toute la nuit, il descend à toute barzingue. Donc il n'arrête pas, il turbine. Donc c'est vrai que là, c'est extrêmement fatigant. Puis c'est la fatigue qui entraîne la fatigue, ça c'est certain. Oui. Bon, nous allons refaire une petite pause musicale et puis nous parlerons du dernier point ensemble. Alors, nous reprenons le témoignage avec Aurélie. Et puis maintenant, notre question, elle va être un petit peu... tournons la page. Et le après ? À quoi ressemble-t-il, le après ? Le après, c'est réapprendre à vivre pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ne pas retomber dans les travers. C'est prendre le temps de s'écouter. C'est se parler à soi-même. C'est ce que je fais tous les jours maintenant. Et puis, c'est respirer, c'est prendre conscience que, bah, qu'on a eu chaud quand même, hein, parce qu'il faut le dire, on a vraiment chaud. Et c'est comme avoir une deuxième vie finalement, c'est se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'il faut vivre. Et là, on se met à les vivre, mais attention, pas vite, hein. Justement, les choses, on prend le temps d'en profiter, de les faire avec... patience et puis plaisir aussi. On retrouve beaucoup de bonheur à faire les choses et à reprendre contact avec les gens. Moi, je sais que le après, c'est surtout revivre avec les autres. Et ça, c'est un plaisir énorme de faire du théâtre, de participer à des associations, de me mettre dans des conseils d'administration et de prendre des décisions sur des choses fort agréables, justement, qui font plaisir aux gens. Ça, c'est vraiment... le après, c'est ça, quoi. C'est profiter de la vie avec les autres. Oui. Ça, c'est super important. C'est un petit peu comme si on avait failli se noyer, et puis on retourne sur la berge et on est content. Voilà. On a un côté content. C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le côté après, c'est peut-être qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé du après ? Parce que ça a été quand même des sacrés mots quand même. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a vraiment ? Est-ce que ça nous a apporté quelque chose déjà ? Ben moi, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne soin aussi, par exemple, de ma fille. J'étais déjà à l'écoute, mais je suis plus à l'écoute, disons, pour des choses très essentielles, et pour la santé aussi, mais moi aussi, du coup. Je suis très à l'écoute de mon corps. Avant, je ne l'étais pas. Disons plutôt que je préférais qu'il se taise. Je ne l'écoutais pas. Je pense que les points essentiels, c'est de se dire qu'on est unique. Et qu'il faut prendre soin de nous. Et puis bien comme il faut. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... On se rend compte qu'il y a une lutte après avec la médecine aussi. Il y a une lutte sur l'écoute avec les médecins. C'est aussi ce qui change aujourd'hui, c'est que je suis beaucoup plus... j'attaque le médecin maintenant, on va dire. Que quand je sais que mon corps me dit quelque chose, un médecin qui va me dire oui, non, mais c'est ça en fait, là, je laisserai plus... planer le doute. Voilà, aujourd'hui je sais que si j'ai une alerte ou quelque chose, je la prendrai très vite en main. Et c'est ce qui rassure du coup, parce que on récupère confiance en soi, on reprend confiance en soi. Mm-hmm. Ce qu'on n'avait pas du tout, ce qu'on avait complètement perdu. Oui, puis peut-être cette mise à l'arrêt totale fait qu'après, effectivement, les petites choses ont une autre importance. Oui, se promener. Écouter le vent, les oiseaux, respirer, quoi, tout simplement, prendre le soleil, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et puis maintenant, vos activités sont agréables et... Ah, maintenant, tout ce que je le fais avec plaisir. Voilà. Voilà. Que ce soit en tant qu'écrivaine au sein de l'Union des écrivains vosgiens, ou que ce soit dans les soirées des Clam Slam. Voilà, que ce soit à Recret... aux répétitions, au théâtre, tout ça, c'est fait avec bonheur, quoi. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui fuit en ce moment le syndrome d'épuisement ? Eh bien, moi, je lui conseillerais d'en parler. Et si c'est compliqué, parce que je sais que des fois, on en parle, on est beaucoup à voir le cas. Pas mal de gens prennent ça plus ou moins à la légère. Il y a des spécialistes qui sont là aussi pour nous écouter. Il faut taper à la bonne porte, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Moi, je n'ai pas osé en demander et finalement, on peut trouver de l'aide. Donc, en parler, ne pas hésiter, demander de l'aide. Et puis surtout, si on a besoin, c'est se dire je coupe tout et je vais me refaire une santé quelque part. Parce qu'il ne faut pas non plus hésiter à lâcher sa vie où elle en est. de partir dans une clinique. Il y a de la place, il y a moyen de se faire, de prendre soin de soi, de s'écouter et d'avoir des gens autour qui, voilà, qui nous aident à comprendre ce qui nous arrive aussi. Parce mm-hmm. qu'il faut comprendre, c'est difficile à comprendre. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en parler beaucoup, mm-hmm. c'est plus facile après de comprendre mm-hmm. et de situer la gravité aussi mm-hmm. et de réagir pour soi. Donc ralentir pour vivre, pour vous, ça a du sens ? Ralentir pour vivre, pour moi, ça a énormément de sens. Et ralentir ne veut pas dire aller comme un petit tortue tout doucement. Non, hein. Justement, c'est faire une chose après l'autre, ah. en suivant l'horaire de la journée, et savoir commencer et s'arrêter. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est un pas après l'autre, voilà. un jour à la fois. Un jour à la fois. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci également Catherine. Merci à Auriel pour ses chansons qui accompagnent cette émission. À bientôt, chères auditrices et auditeurs.